neuf, docteur? À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne, mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait. La Bistro Lapinothèque, c'est de la diffusion de brochures, de livres, de disques, de vinyles, du mouvement social, du punk, des zombies, de la marée chaussée pendue par ses pieds. C'est à l'écoute de la Bistro Lapinothèque dans l'émission Tranche d'Anard sur Radio Air Libre. Tranche d'Anard, c'est tous les mercredis de 20h30 à 21h30. Et la Bistro Lapinothèque, c'est le dernier mercredi de chaque mois à 20h30. Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radioairlibre.net. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons! Bienvenue sur les ondes de Radio Air Libre. Ce soir et en rediffusion, vendredi à 21h sur le 87.7 FM à Bruxelles et sur radioairlibre.net, partout dans le monde, vous écoutez notre dernière émission Distro Lapinothèque 2022. Sachez que dans le courant du mois de janvier, la distro déménage vers un nouveau local. Vous serez tenu au courant via notre newsletter. Pour ouvrir cette émission, Titi partira dans les méandres sinueux du polar ou roman noir, à ne pas confondre avec le roman policier. Titi aux manettes et Marc au contenu nous donneront quelques notions liminaires sur le polar. Pour après s'attaquer à la présentation du roman noir, Guet-apens, de Césaire Battisti, sorti en août 2022. Ce même Battisti était en cavale depuis plus de 40 ans pour avoir participé au mouvement social de l'autonomie ouvrière en Italie, dans les années 70. Dans ce dernier livre, il nous raconte avec intelligence comment il est rattrapé par la police italienne en Bolivie. Ensuite, Aline vous parlera du soir où Big Bill Brownsy, Sonny Boy Williamson et Memphis Slim ont répondu à Alan Lomax à la question « D'où vient le blues ?». Ce petit livre a été traduit en français par Étienne Lesourd. Il accompagne à l'origine le CD « Blues in the Mississippi Night » et a été réédité aux éditions « Du bout de la ville » en 2021. Ce livre est le témoignage de trois descendants d'esclaves noirs qui ont subi une autre sorte d'exploitation, de maltraitance, mais qui, de galère en galère, ont survécu grâce au blues. Le blues comme un symptôme qui soigne. Vous retrouverez la Distro Lapinothèque tous les derniers mercredis du mois sur Radio Air Libre, 87.7 FM à 20h30, et en rediffusion le vendredi qui suit à 21h. Les podcasts se retrouvent sur leslapinselectriques.blogspot.com et lors de nos permanences mensuelles dans notre nouveau local. Info à venir. Vous pouvez nous écrire un courriel à lapinothèque@riseup.net et vous inscrire sur notre mailing list pour recevoir les infos radio et les infos sorties. Très bonne fin d'année. Salut à toutes et à tous. Merci Nick. Nous allons commencer avec le groupe Kvass, avec le titre Ibakushi mon amour. Many more. Salut Marc. Bonjour Thierry. Tu étais ancien prof dans le supérieur, militant d'ultra-gauche, et tu donnais un séminaire d'analyse sociologique du polar. Alors justement, qu'est-ce que le polar représente? Quel est l'intérêt du polar en tant qu'analyseur social? Quel reflet d'une situation particulière, mais qui parle aussi d'un fonctionnement plus global? Qu'est-ce que tu peux nous dire de manière plus générale sur le polar? Bon, mais d'abord, c'est que le polar, c'est un peu un genre pour le moins décrié. C'est le genre qui est apparu avec les pulp magazines, c'est-à-dire vraiment le bas de gamme de la littérature. Et ce qui en faisait le côté croustillant, c'était que c'était une forme qui permettait d'exprimer tout ce qui est la face obscure de la société. Comme par hasard, c'est né dans les années... fin des années 20, 29, 30 aux États-Unis, donc en plein milieu de la crise économique, et évidemment il mettait en exergue le côté obscur de la société qui logiquement avait dépassé ces crises et qui était la société du rêve américain, et mettait en avant exactement le contraire qui se développait à l'époque dans des bouquins qui sont devenus célèbres, dont par exemple On achève bien les chevaux, où on voit déjà la spectacularisation de marathons de danse jusqu'à Mort en suive, avec un public qui applaudit et qui parie sur les danseurs joueurs ou danseurs, etc. Bon, il y a eu des films qui sont adaptés de cela. Et il y a comme ça toute une série d'auteurs classiques d'Achiel Hamet, etc., qui mettent en avant le côté particulièrement sordide de la société, ce qui était généralement pas du tout, ce n'était pas directement traduit dans la littérature, quoi. Et du coup, c'est une rupture totale avec le roman classique policier, l'enquête à énigme. Tout à fait, ça, c'est une rupture totale. Le roman à énigme, dont l'archétype c'est Sherlock Holmes, c'est un bourgeois qui s'emmerde, qui est en plus toxicomane puisqu'il fume des pipes d'opium, etc. Enfin bon, bref, on s'en fout, mais qui s'emmerde et qui résout des énigmes simplement pour la beauté du geste, comme quand on joue un jeu d'échecs. Et l'autre aspect très intéressant de voir avec les romans énigmes, c'est qu'il y a une décontextualisation. Ça ne se passe uniquement que dans les beaux milieux et dans les beaux quartiers. Il n'y a jamais d'apparition, sauf à la marge, de prolétaires ou de personnages plus ou moins douteux. Non, c'est rien que des gens bien assis. Le crime, c'est du crime de salon. Qui se passe dans l'Orient Express, qui se passe dans tous les hauts lieux de la société anglaise de l'époque. Et donc, la grosse différence, c'est qu'on passe, si on veut, si on pourrait dire dans une formule, on passe des crimes de salon aux crimes de rue. Alors, pour la première fois avec le polar, avec le roman noir, c'est la rue et son aspect sordide. C'est pas les beaux quartiers, c'est justement le côté glauque. Et puis, on est dans la rue, mais aussi, on n'est pas dans une vision moraliste ou de la justice ou du bon flic ou du bon policier. Non, c'est de là qu'apparaît généralement, et c'est typique du polar, le détective privé, même si c'est un ancien flic, c'est quelqu'un qui est à la marge, qui est généralement cynique, alcoolique, etc., etc., et qui se permet par son positionnement de détective privé à la marge de pouvoir avoir une vision qui n'est pas celle, qui n'est pas une vision institutionnelle, qui est une vision entre guillemets, la plupart du temps cynique ou on pourrait même dire anarchique de la société. Voilà, et donc ça c'est un aspect important. On verra par la suite qu'il y aura aussi des policiers, mais généralement alors, c'est des policiers borderline qui, au travers de leurs enquêtes, ont tendance à basculer complètement de l'autre côté. Ça va être typique avec Elroy, par exemple, qui va faire des policiers, mais qui vont être pires que ceux qui poursuivent, qui vont être des toxicomanes, des proxénètes, des assassins, et qui vont de plus en plus être le reflet, encore une fois, institutionnel de ceux qui traquent, quoi. La liaison entre police et je dirais gangster, est évidente aux États-Unis, puisqu'évidemment, la police, non seulement elle est corrompue, mais les gangsters fonctionnent comme des sociétés anonymes, ce sont des sociétés anonymes d'ailleurs, et la police ne vit que grâce aux balances et à l'infiltration, etc. Donc les liens sont tout à fait des liens, encore une fois, institutionnels et bien structurés. Il n'y a aucun qui, entre guillemets, d'un point de vue moral, rachète l'autre, quoi. Les méthodes sont les mêmes, les points de vue sur le monde sont les mêmes, la vision de la société, des femmes, de l'exploitation sont les mêmes. La seule différence serait l'utilisation de la violence, or ce n'est même pas le cas. Encore une fois, même quand il y a des guerres entre gangs de la mafia, ils n'aiment pas ça du tout parce que c'est contre le commerce. Ils ont vraiment une logique strictement commerciale, quoi. Le seul problème, le seul entre guillemets problème, c'est qu'ils utilisent entre autres de la vente de produits illicites, où la marge bénéficiaire est plus importante. Mais, encore une fois, le projet, la question de produits illicites, ça varie dans le temps. La grande fortune de la mafia, ça a été la prohibition. Bon, une fois que la prohibition a fini, ils ont simplement fini changer de produit. Et ils sont passés aux drogues, ils sont passés à la cocaïne, etc. etc. Donc la question n'est pas où est mis le curseur pour les abolitionnistes, etc. La question, c'est qu'il y a toujours un produit illicite qui rapporte plus que le produit licite. Et que la course entre les deux, c'est une simple question de où on positionne le curseur, mais la logique est exactement toujours la même, quoi. Et donc on va faire une pause musicale avec Dr. Feelgood, et ce qui est en rapport avec ce qu'on discute, c'est-à-dire Riot in Cell Block Number 9. There's a riot going on. Alors du coup, là, on est dans les années 30, 40, 50, 60. On fait un bond dans l'histoire et on se retrouve dans les années 70 et du côté, je dirais plutôt par ici, notamment où il y a l'explosion de ce qu'on a appelé le néopolar. Peut-être deux, trois mots avant de se lancer dans ce qui nous attend par la suite, c'est-à-dire la présentation de Le Guet-apens de Cesare Battisti. Mais avant ça, peut-être un mot sur le néopolar. Oui, alors c'est même directement un pur produit de 68. Bon, la figure de proue du dit néopolar français, c'est Jean-Patrick Manchette, qui était par ailleurs lui-même aussi impliqué dans certains mouvements révolutionnaires de manière directe, si pas indirecte par la suite, mais en tout cas il était très influencé par les courants notamment situationnistes. Et donc, il reprend un flambeau, parce qu'il y avait déjà eu avant des tentatives d'adaptation du polar américain en français, avec notamment Nestor Burma, Nestor Burma, Léo Mallet, oui, voilà. Léo Mallet et d'autres qui avaient, dans la foulée de la création de la série noire, essayé d'adapter ou de franciser le héros américain. Avec Manchette, donc 68-69, puis les années 70, la question est vraiment de faire. Donner une importance à la contextualisation des problématiques qu'il va mettre en avant, d'une part, et d'autre part, de faire des tas de références, je dirais pas subliminales, mais des clins d'œil de première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, qui signifient bien son engagement, mais surtout pour ceux qui peuvent le reconnaître. Bon, ainsi, à un moment donné, une descente de police, je pense que c'est dans Nada, où les flics perquisitionnent et tombent sur des revues du groupe anarchiste Noir et Rouge. Le flic dit « Ah, j'ai trouvé des trucs Noir et Rouge !» Et le commissaire répond « Mais non, c'est Balzac !» Alors qu'évidemment, ben, la référence, c'est bien le groupe Noir et Rouge et son implication, notamment dans les événements de 68 qui venaient de se passer. Tu parlais de référence dans l'assaut des flics, justement, dans Nada. Il est quasi une copie conforme du dernier assaut que les flics donnent à la bande à Bono. Si je me souviens bien, on regarde le descriptif de l'assaut où ils sont... Dans la ferme, oui. Dans la ferme, c'est quasi à une description prête, dernier assaut de la bande à Bono. Oui, probablement. Surtout qu'il y en a eu plusieurs pour la bande. Il y en a eu moins deux pour la bande à Bono, oui. Mais moi, je dirais ce qui est plus marquant encore par rapport à l'importance et la fonction du polar, c'est qu'en fait, c'est surtout prémonitoire de l'assaut dans une ferme contre Action Directe qui n'existait pas encore et qui s'est déroulée quelques années après. Et la conclusion même dans Nada, c'est que, entre guillemets, le terrorisme de gauche comme le terrorisme de droite, c'est fondamentalement un piège à deux mâchoires dans lequel le révolté tombe. Je pense que c'est exactement ça la position de Manchette. Et là, il est, il est même en avance sur son temps. Et par la suite aussi, il y a toute une série de ces polars qui sont particulièrement pointus. Le dernier qui n'a pas pu... finalisé, qui se passe à Cuba, est aussi très important. Il a été fini par son fils, en l'occurrence. Quoi. Mais donc Manchette va ouvrir comme ça, à ce moment-là, une perspective dans laquelle toute une série d'auteurs, entre guillemets français, pas uniquement français par ailleurs, mais d'origine multiple, mais qui écrivent en français, vont s'engouffrer avec des gens comme Thierry Jonquet, par exemple, qui a écrit des polars particulièrement intéressants, et d'autres, Delte, qui en a écrit deux, trois aussi, et qui vont élargir le style et les thématiques. Donc, des bouquins de Delte se passent dans les camps de concentration en Allemagne, etc., etc. Donc, on va avoir une ouverture à la fois géographique, mais aussi dans la thématique et dans les thématiques beaucoup plus importantes, avec des retours en arrière dans l'histoire, avec des visions anticipatrices sur différents niveaux. À ce niveau-là, c'est clair que les différences avec d'autres genres littéraires ou des dystopies va s'amenuiser. On va voir que ça va pouvoir être... la frontière va diminuer. Mais de là, de ces polars, néo-polars français, ça va éclater aussi au niveau international, et il y aura des néo-polars ou des polars qui proviennent du monde entier. Aujourd'hui, il y en a de partout. Enfin, on ne peut même pas voir d'où il n'y en a pas. Des Scandinaves, des Chinois, des Latino-Américains, il y en a de partout. Ok, et on va faire une deuxième pause musicale, et on s'écoute. Ah, Black Sabbath pour toutes les religions, hein. Ça, et The Wizard. Présenté, c'est le guet-apens de Cesare Battisti. Du coup, peut-être revenir sur l'histoire avant que ce soit un auteur de polar, en quelques coups de pinceau, qui est Cesare Battisti. Alors, Battisti, entre guillemets, d'après la police italienne en tout cas, c'est un terroriste, alors qu'il s'agit en fait effectivement d'un militant de l'autonomie ouvrière des années 70 en Italie, qui a effectivement participé à des groupes armés, mais des groupes de prolétaires armés. D'ailleurs, son groupe s'appelait Prolétaires armés pour le communisme, qui regroupait une soixantaine de personnes, qui s'est illustré dans le nord de l'Italie, mais qui s'est illustré par des attaques de banques et par l'élimination de fascistes et ou de gardiens de prison qui étaient tortionnaires, etc. Toutes choses que par ailleurs aujourd'hui on a largement oubliées. Il se fait que par la suite, Battisti a réussi à s'évader. Alors je passe les détails de partir au Mexique puis repartir en France lorsqu'il y a eu la doctrine Mitterrand, c'est-à-dire le fait que pour un certain nombre de gens de la mouvance autonomiste, il y avait une tolérance à condition qu'ils ne poursuivent pas la lutte en France, il y avait une tolérance de leur foutre la paix. Et là, il a réussi à bénéficier donc de cette fameuse doctrine Mitterrand. Il est devenu concierge et en tant que concierge, il avait le temps de commencer à écrire. C'est à ce moment-là qu'il a écrit des polars. Et il s'est petit à petit fait une certaine réputation dans le milieu de polar, aidé par ailleurs par différents autres écrivains, dont Serge Quadrupani et d'autres, qui partageaient à la fois l'aspect polar et l'aspect d'engagement politique. À ce moment-là, je dirais cette notoriété a commencé à lui venir comme un boomerang, puisqu'il a été pointé par les différents gouvernements comme étant, je dirais, la victime expiatoire désignée. Il fallait le faire payer. Il a été condamné à perpétuité, mais il a été condamné par contumace, c'est-à-dire logiquement n'est pas applicable en termes juridiques, mais il a été condamné à perpétuité par contumace. Et puis, petit à petit, sa situation en France est devenue de plus en plus précaire malgré la doctrine Mitterrand. Quand tu dis condamné, condamné en Italie. Oui, condamné en Italie, oui. Et donc à ce moment-là, on lui a conseillé d'une façon assez précise de partir. Il est parti en Amérique latine. Il venait déjà du Mexique, mais il est parti en Amérique latine et surtout parti au Brésil où il a cru qu'il pouvait bénéficier de la couverture du gouvernement de Lula. Mais bon, enfin, il est parti au Brésil, etc., etc. Mais toujours avec des campagnes de plus en plus évidentes en Italie comme étant la nécessité de le rattraper pour faire payer les années de plomb, pour faire payer, enfin ce qu'ils appellent les années de plomb, pour faire payer toute personne qui a touché, même vaguement, à ces mouvements sociaux d'importance des années 70-80 en Italie. Et donc lui, il était vraiment dans l'œil du tigre, puisque c'était une célébrité, et qu'en tant que célébrité, c'est vrai qu'il avait un comité de soutien avec des tas d'intellectuels, des chanteurs, Higelin et j'en passais des meilleurs, qui soutenaient Battisti, qui clamaient sa totale innocence dans l'affaire. Encore une fois, innocence ou pas innocence, le problème n'est pas là, parce que ce qui lui est reproché, c'est d'avoir participé à ce type de mouvement. Il est difficile de pouvoir justifier une participation collective pour faire payer par un individu. Ça pose quand même du point de vue éthique, un certain nombre de questions que visiblement la justice ne se pose pas. Et donc pour revenir à sa petite histoire, une fois que le gouvernement Lula commençait à être plus que compromis dans des tas de choses et que ce pointait l'alternance avec Bolsonaro, que Bolsonaro est venu au pouvoir. Évidemment, Bolsonaro était plus enclin à se débarrasser allègrement de ce poids emblématique, mais bon, ce poids qui était Battisti. Et de manière assez comique, si on peut dire comique, ben, Battisti a cru pouvoir se réfugier dans un autre régime soi-disant de gauche, qui était en Bolivie, dirigé par un président indio, etc. Donc, oh là là, toutes les bonnes, comment dirais-je, les bonnes cartes. Alors que dans son dos, ce même régime de gauche de Bolivie, il a en fait vendu au service secret italien. Quand il a traversé la frontière, il est arrivé effectivement en Bolivie. Et là, il s'est fait carrément enlever par les services secrets italiens, mis dans un avion avec la complicité du régime bolivien. Et il a, en 24 heures, il a récupéré, il a été récupéré par la police italienne. Donc 40 ans de fuite, 40 ans d'une vie particulièrement difficile, qui s'achève en 24 heures pour finir dans un quartier de haute sécurité en Sardaigne et puis par la suite en Calabre, avec une prison, dans une prison, à l'isolement dans une prison exclusivement réservée aux terroristes islamistes. Ce qui donne l'ampleur de, encore une fois, de, je dirais, de la haine que lui vaut le... la justice et le gouvernement italien, mais aussi qui va servir, puisque c'est à ce moment-là, c'est Salvini qui magouille toute l'affaire, c'est-à-dire le fasciste italien, bien aujourd'hui ministre de l'Intérieur de l'autre gouvernement fasciste. Donc à ce moment-là, il est encore il est ministre, mais c'est celui qui dirige la Ligue du Nord. Et donc Salvini va en faire vraiment une victoire politique majeure, entre guillemets, pour montrer comment l'État ne pardonne pas ce qui s'est passé, même 40 ans plus tôt. Et donc, il va être jugé, enfin, même pas rejugé, il va être strictement condamné à perpétuité et à assumer sa perpétuité dans des conditions incroyables. Et la seule chose qui lui reste, c'est l'écriture. Par rapport à ça, il va écrire un polar pour arriver à celui que j'aimerais présenter, qui s'appelle « Le guet-apens », qui parle évidemment de la situation que je viens de décrire, mais au lieu de faire un polar basé sur sa petite expérience à lui ou une autobiographie qui est quand même relativement égocentrique et chiante comme toutes les autobiographies, il va utiliser le polar, c'est-à-dire le faire éclater faire éclater son histoire vécue et écrire sur cette histoire, mais au travers des différents protagonistes. Autrement dit, les flics, ce sont les flics qui parlent comme des flics, les juges, ce sont des juges, les accords entre Bolsonaro et le gouvernement bolivien se déroulent dans des grands hôtels et on voit comment ça se déroule, etc., etc. Et donc, il va faire éclater le polar pour en faire une construction particulièrement bien faite, et haletante, même si on connaît la fin. Puisque là, on sait très bien que, entre guillemets, pour lui, ça va se finir mal, quoi. Et donc, voilà, c'est un polar, je trouve, qui est très bien écrit, qui est original dans sa scénographie, mais aussi qui est, en tout cas, de le lire et peut-être même de l'acheter, qui correspond, on pourrait dire, presque à un acte de solidarité par rapport à l'aventure que Battisti a dû subir pendant plus de 40 ans. Quoi. Et du coup, lui, dans ce polar, il part de quel moment par rapport à son histoire à lui? Il ne refait pas tout, j'imagine? Non, il part de sa situation au Brésil et des tentatives au Brésil de passer en Bolivie, tel que, en fait, ça s'est passé. Mais là, il est, entre guillemets, pendant tout un moment, on le voit traverser le Brésil vers la Bolivie, pris en charge par un certain nombre de militants politiques brésiliens. Et aussi toutes ses réflexions sur son passé, sur son... etc., etc. Il faut savoir qu'après ça, il était quand même... 40 ans de cavale, c'est quand même assez important. Je pense qu'humainement, il a été cassé, ne fût-ce que par cette histoire de cavale. Je crois qu'il n'en pouvait plus. De ça et de toutes les négociations avec tous les gouvernements, que ce soit Mitterrand, que ce soit avec le gouvernement brésilien. Enfin bon, il y a chaque fois des négociations, des avocats, des comités de soutien. Enfin, je crois qu'il était au bout du rouleau. Et qu'une fois qu'il a été rapatrié en Italie, et il a craqué. Bon, d'abord, il a été torturé. Ça, bon, encore une fois, il n'est pas le seul, mais quand même, c'est... quand même à souligner, et il a avoué tous les crimes qu'on lui imputait lors de son procès, ce qui est, je dirais, difficilement acceptable, parce que bon, encore une fois, c'était pas du tout dans la tradition de ce type de groupe, d'abord de revendiquer tout ce qu'il faisait, mais aussi de revendiquer à titre personnel. Donc s'il y avait une responsabilité, c'était une responsabilité collective et, oui, et politique. Et lui, il le prend tout, entre guillemets, comme à titre personnel, tel que l'accusation du gouvernement ou de l'État le faisait subir. Mais il le faisait, je pense, vraiment par découragement complet, quoi. Et donc voilà, donc, par rapport à ça, effectivement, il y a eu, encore une fois, il y a des tas de gens qui, dans ces cas-là, préfèrent hurler avec les loups pour accabler encore plus celui qui parle ou qui parle pas, etc., etc., comme si fondamentalement, c'était ça le centre du débat. Alors que le centre du débat n'est pas là, c'est comment le régime proto-fasciste italien a utilisé notamment l'affaire de Battisti pour préparer la remontée au pouvoir et au gouvernement des groupes fascistes en Italie, quoi. Et de nouveau, par rapport à ça, la chronologie était parfaite, puisque le grand acte victoire du ministre de l'Intérieur Salvini, c'est bien le retour, la condamnation et les aveux de Battisti, ce qui prouve que voilà, l'État italien ne pardonne pas, et il y a une belle continuité dans le fascisme des années 70 et le fascisme d'aujourd'hui dans les turpitudes de l'État, quoi. Ben merci beaucoup Marc, et à très bientôt sur Radio Air Libre. Merci à toi Thierry, et quand vous voulez. Et alors on va faire une dernière pause musicale et on va s'écouter... King Crimson sur la schizophrénie, c'est maladie de l'époque. Century schizoid man. Century schizoid man. We'll be right back. in the world again. Oh yeah. No more bad wind than just a mighty few men. Mighty few men, oh Lordy. Bonjour, je vais vous présenter le livre qui s'appelle Blues in the Mississippi Night. C'est un livre qui a été écrit par Alan Lomax et le sous-titre c'est Le soir où Big Bill Bronzy, Sonny Boy Williamson et Memphis Slim ont répondu à la question d'où vient le blues ? C'est donc, comme je le disais, un livre d'Alan Lomax. Alors, il a été traduit en français par Étienne Le Sourd. Alors, en fait, ça a été traduit de manière très chouette parce que dans le dialogue, il s'agit donc d'un dialogue entre ces trois personnes, entre ces trois bluesmen. Et à chaque page du dialogue, vous avez la version anglaise et la version française de l'autre côté. Alors, c'est un petit livre de 120 pages qui, à la base, normalement, accompagnait le CD Blues in the Mississippi Night. Et il a été réédité en 2021 aux éditions Du Bout de la Ville. Alors, je vais commencer par vous parler de l'auteur. Alan Lomax est né en 1915 au Texas et il est mort en 2002, donc il y a 20 ans. Et c'est un ethnomusicologue, il se dit folkloriste aussi, musicologue, et collecteur de musique. Alors, il est connu pour avoir collecté la musique des États-Unis et des Caraïbes, ainsi que des nations européennes qui ont influencé cette musique. Il a fait ses premiers enregistrements en 1933 en compagnie de son papa. Son papa s'appelait John Lomax. Et lui-même aussi, il était musicologue, il était très connu. C'était un pionnier d'ailleurs dans la collecte des chants et des musiques des États-Unis. C'était le premier qui s'était intéressé de près au Delta Blues. Alors, les premiers enregistrements des Lomax se firent surtout dans les pénitenciers et dans les comtés ruraux du sud du pays. Alors là-bas, en fait, ils ont recueilli des chants de prisonniers noirs, mais aussi de travailleurs noirs des plantations du sud et des travailleurs d'origine et de culture hispanique également. En fait, l'intérêt initial des Lomax Périfis pour les chants des prisonniers noirs avait apparemment trois causes. D'abord, John Lomax supposait que dans cet environnement confiné qu'est la prison, avec les liens faibles avec l'extérieur, ces chanteurs et ces musiciens pouvaient en fait représenter une sorte de conservatoire des chants noirs du Sud. Alors, une deuxième hypothèse, enfin un deuxième argument pour aller enregistrer ces prisonniers, c'est qu'il faisait l'hypothèse que ces musiques, la musique des Noirs du Sud, était un élément prépondérant dans l'élaboration des styles musicaux propres aux États-Unis. Et beaucoup d'entre eux étaient en prison. La troisième raison, politique cette fois-ci aussi, et c'est d'ailleurs à la base du travail de John Lomax, c'est que celui-ci était un progressiste pour l'époque, qui, en tant que tel, n'avait pas de réticence envers l'étude des musiques populaires produites par des groupes dépréciés. Donc, au-delà de la valeur ethnographique et musicologique, ce travail peut être aussi vu comme une préfiguration des cultural studies, c'est-à-dire la mise en valeur des sous-cultures pratiquées par des populations défavorisées et complètement déconsidérées par la culture dominante. Alors, pendant la période 1938-1950, il a commencé comme producteur radiophonique, donc Alan, hein, on est avec Alan Lomax. Il a commencé comme producteur radiophonique sur CBS et ensuite comme producteur discographique dans le cadre de sa collaboration avec Decca Records. Alors Decca Records est un label britannique qui à l'époque était représenté aux États-Unis et en France également. Et donc, le fait de travailler en collaboration avec Decca Records contribua à faire promouvoir ses musiques auprès d'un public beaucoup plus large. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que Alan Lomax soutient la carrière de Big Bill Bronzy, Memphis Slim et de Sonny Boy Williamson. Big Bill Bronzy, je suis sûre que vous le connaissez, c'est un guitariste et chanteur de blues américain. Il est né en 1893 ou bien en 1903, ça on sait pas trop, apparemment il le savait pas lui-même. Et il est mort en 1958 à Chicago. Alors sa carrière, elle commence dans les années 20, hein, si on peut dire carrière, lorsqu'il joue du country blues pour un public majoritairement afro-américain. Et au cours des années 30-40, il va réussir une transition vers un public, vers un son plus urbain, populaire, auprès d'un public de la classe ouvrière. Dans les années 50, il fait un retour à ses racines folk blues traditionnelles et ça fait de lui une des figures de proue du renouveau de la musique folk américaine émergente. Il devient ainsi une star internationale. Voici un extrait du dialogue où Big Bill Bronzy tente d'expliquer pourquoi, comment ça se fait qu'on chope le blues. Big Bill Bronzy. Bon, mais la grande question, c'est de savoir pourquoi, comment ça se fait qu'on chope le blues. J'ai travaillé sur les constructions de digues, dans les équipes de renfort, sur des chantiers de route. J'ai cassé des cailloux. J'ai été dans des carrières. Et partout, j'entendais des types chanter. Des par là. Ou des Ce que je veux dire, c'est que le blues, c'est quelque chose qui vient du cœur. Moi, je le sais. Mais personne n'entend le gars qui chante le blues. J'ai toujours pensé que ça vient vraiment du cœur. De son cœur, tu vois. Et que ça exprime ses sentiments. Ce qu'il ressent. Pour les gens. Et que c'est la seule façon qu'il connaît de dire ces choses-là. J'ai connu des types qui voulaient injurier le patron. Et qui avaient peur d'aller lui dire en face ce qu'ils avaient à lui dire. Et je les ai entendus chanter ces choses-là. Ces mots-là, tu vois. Au patron. De derrière le chariot. En harnachant les chevaux ou autres. Les mules ou quoi. Il se mettait à bosser, à chanter et à dire des choses au cheval ou à la mule, à faire comme si la mule lui avait marché sur le pied et disait « Vire-toi de mon pied, nom de Dieu !» ou un truc dans le genre. Et en fait, c'était pour le patron. « Fils de pute !» il disait. « T'as rien à foutre là, laisse mon pied tranquille. » Ce genre de choses. Hey, hey. Hey, hey, baby, hey. Hey, hey, hey, hey, baby, hey. Hey, hey, hey, hey, baby, hey. Hey, hey, hey, hey, baby, hey. Hey, hey, hey, hey, baby, hey. I love you, baby, but I sure ain't gonna be your dog. All I can say is hey. Hey, hey, lost your good thing now. Hey, hey, you've lost your good thing now. You had me fooled, but I found it out somehow. C'était Hey Hey de Big Bill Brownsy. Continuons avec Sonny Boy Williamson. Alors il s'agit du premier, ouais. Lui, il est né en 1914 dans le comté de Madison, près de Jackson, dans le Tennessee. Et il est mort en 1948. Pour la petite histoire, il est mort assassiné avec un pic à glace à la sortie d'un bar. Ce qui apparemment n'était pas rare pour les bluesmen de l'époque. Lui était particulièrement buveur, coureur de jupons, bagarreur. En 1948, il est donc mort un an après l'entretien retranscrit dans ce livre. C'est le premier Sonny Boy Williamson. Il s'est vu piquer son nom, de son vivant d'ailleurs, par un autre harmoniciste qui lui avait survécu. Celui qui parle dans ce livre, le premier, est donc un harmoniciste américain de blues, et c'est à l'âge de 11 ans qu'il reçoit un harmonica en cadeau de Noël de la part de sa mère. Il en deviendra vite un virtuose, alors qu'il a commencé sa vie dans les champs de coton. Welfare Store Blues. Now, I mean, my baby, we talked last night, and we talked it for nearly an hour. She wanted me to go down to the welfare store and get a sack of that welfare flour, but I told her no. Baby, I sure don't want to go. I said, I'll do anything in the world for you. I don't want to go down to that welfare store. Now you need to go get you some real white man. You know, just sign your little note. They give you a pair of them keen-toed shoes and one of them pink-back soldier coats. But I told them no. Baby, I sure don't want to go. I said I'd do anything in the world for you, but I don't want to go down to that welfare store. People, they're gonna treat everybody right. Say they give you a can of them beans and a can or two of them old tripe, but I told them no. Baby, I sure don't want to go. I say I'll do anything in the world for you, but I don't want to go down to that welfare store. Baby, we talked yesterday, and we talked in my backyard. She said, I'll take care of you, sonny boy, just as long as these times stay hard. And I told her, yeah, baby, and I sure won't have to go. I said, and if you do that for me, I won't have to go down to that welfare store. Enfin, nous avons Memphis Slim. Memphis Slim est né en 1915 à Memphis et il est mort en 1988 à Paris. C'est un chanteur et pianiste de blues américain qui a perpétué la tradition de Boogie Woogie. Il est considéré comme un des représentants du Chicago Blues. Alors quand vous le voyez jouer au piano, c'est très étrange parce qu'il tient dans sa main gauche une cigarette tout en jouant et il fume de temps en temps. Il a des longs doigts très fins, recourbés vers le haut. Born with the blues. And I assure you, it's the only way to be born with the blues. My her mother had them, and people now got them too. Lord, Lord, Lord, I've got something new. Something you just don't learn in school. You don't find it in no book. People, you've got to inherit the blues. When I'm sad and lonely, or when I've got trouble, even when I'm happy too, Lord, Lord, Lord, all of a sudden, I know I was born with them, because you can't learn the blues in Chicago Blues est une forme de blues qui s'est développée à Chicago dans l'Illinois par l'ajout d'instruments comme la guitare électrique, la guitare basse, la batterie ou le piano, voire des cuivres, à la base classique du Delta Blues. Le Delta Blues, à savoir, c'est juste guitare acoustique et harmonica. Et c'est cette structure orchestrale-là, particulièrement le Chicago Blues, qui sera plus tard la base de l'orchestre de rock. Alors voici un extrait du livre où Alan Lomax explique sa rencontre chez Big Bill Bronzy avec les trois icônes du blues. Et ensuite, vous entendrez le morceau enregistré par eux trois en 1947 qui s'intitule « Life is like that ». À cette époque, je roulais souvent jusqu'à Chicago, pour découvrir l'atmosphère des bars du West Side et du South Side. Je rendais visite à Big Bill Bronzy, dans la chambre qu'il louait, éclairée par une unique ampoule pendant à un fil, constellée de mouches. Et je le regardais écrire des paroles des chansons de sa prochaine session d'enregistrement sur un cahier d'écolier, avec un petit bout de crayon. Bill me faisait l'effet d'être aussi sage qu'il était imposant physiquement, chaleureux, talentueux. Il me présenta à Memphis Slim et Sonny Boy Williamson. Autour d'une bouteille de bourbon, j'appris que Memphis et Bill avaient grandi sur les rives de la rivière Arkansas. et je les enchantais en leur interprétant des extraits de chansons des pénitenciers de l'Arkansas que je connaissais. Peut-être crurent-ils que j'y avais fait un séjour, comme eux-mêmes apparemment. En tout cas, la conversation prit un tour plus convivial. Ils acceptèrent de faire un concert de blues dans le programme Midnight Special que j'organisais alors à la mairie de New York. Quand ils vinrent à New York, ils dormirent chez moi au village pour économiser l'hôtel. Ils amusèrent ma fille Anna et goûtèrent notre cuisine du Sud. Ce soir-là, le trio fit un tabac au Town Hall, découvrant au passage que leur musique du Delta était populaire devant un public dont ils n'avaient jamais soupçonné l'existence. Ils en voulaient. Je les emmenais chez Decca, où nous pûmes disposer d'un studio entier pour nous, ce dimanche-là. Je posai mon petit graveur de disques Presto par terre et je m'assis à leurs pieds pour changer les disques. Il n'y avait qu'un micro. Nous buvions de petits coups. Memphis commença par « You got to cry a little, die a little. » Il faut pleurer un peu, mourir un peu. Et quand les derniers accords en or de la chanson se furent évanouis, je dis « Écoutez tous les trois. Vous avez vécu avec le blues toute votre vie, mais ici personne ne comprend ce que ça veut dire. Dites-moi ce que c'est le blues. » Après ça, je ne pipais plus mot pendant 2 heures. Mes amis de Chicago se mirent à discuter ensemble. Et la conversation se fit de plus en plus animée au fil de l'après-midi. Je pense qu'ils avaient vraiment oublié que j'étais là, alors qu'ils parlaient, jouaient, chantaient ensemble. C'était comme si la nuit du Mississippi s'était refermée sur nous, tandis qu'ils évoquaient leurs souvenirs, créant une espèce de pièce en un acte sur l'étrange vie du Delta et ses chagrins. Big Bill, le plus âgé des trois, un homme vigoureux, puissant, à la grande intelligence et à la prestance imposante, jouait le rôle de Socrate, attirant insensiblement ses jeunes amis jusqu'au cœur du drame. Avec l'humeur plaisante, chaleureuse et sensuelle, qui ne le quittait jamais, Memphis Slim, qui était alors le meilleur pianiste de boogie du monde, fournissait un contrepoint humoristique aux remarques plus sérieuses de Bill. Sonny Boy, avec tous ses dons invraisemblables, était un peu simple. Aussi, ses deux amis le charrièrent-ils gentiment, lui attribuant, à son grand plaisir, le rôle du bouffon de la pièce. Ils commencèrent par le blues, vu comme un reflet de problèmes avec les femmes et l'amour dans la vie du Delta. Ils en cherchèrent les raisons dans l'âpre misère des Noirs des campagnes. Ils évoquèrent les joies et les dangers de la vie dans les camps de travail du Mississippi, avec le pénitencier qui attendait les rebelles au bout du chemin. Puis, ils en vinrent aux atrocités de lynchage dont tous ceux qui bravaient les lois étaient menacés. Enfin, écrasés par les absurdités du système du Sud qu'ils avaient décrit, ils s'en sortirent par un éclat de rire. Lie a little, life is like that. Well, that's what you big bill. Mississippi Delta est une région du nord-ouest de l'État américain du Mississippi qui a été appelée « the most southern place on earth », la région la plus sudiste de la Terre, à cause de son histoire raciale, culturelle et économique unique. Ce fut l'une des régions de culture du coton les plus riches des États-Unis. Et avant la guerre de sécession, la région attira beaucoup de spéculateurs qui développèrent la terre pour des plantations de coton. Ils devinrent de riches planteurs grâce au travail des esclaves noirs, qui constituaient alors la majorité de la population de cette région. Ce livre est le témoignage de trois de ces descendants d'esclaves noirs, qui ont subi une autre sorte d'exploitation, de maltraitance, et qui, de galère ont survécu grâce au blues. Blues comme un symptôme qui soigne. Très bonne lecture et très bonne fin d'année. Voici un extrait pour terminer de Joe Savage, Tree Cutting Holder. Oh, oh, oh, Lordy. Oh, oh, oh, oh. Got me wet. Drive it over. Oh, take this hammer. Catch the sergeant. Tell him I'm gone, boy. Tell him I'm gone. He may ask you what got the matter. Back up. I had too long. Quoi de neuf, docteur? À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne, mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait. La Distro Lapinothèque, c'est de la diffusion de brochures, de livres, de disques, de vinyle, du mouvement social, du punk, des zombies, de la marée chaussée pendue par ses pieds. C'est à l'écoute de la Distro Lapinothèque dans l'émission Tranche d'Anard sur Radio Air Libre. Tranche d'Anard, c'est tous les mercredis de 20h30 à 21h30. Et la Distro Lapinothèque, c'est le dernier mercredi de chaque mois à 20h30. Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radioairlibre.net. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons.